Chapitre 3. C'est pourquoi, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, j'adresse ma prière à Dieu. Vous avez certainement entendu parler de la tâche que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la connaissance que j'ai du secret qui concerne Jésus-Christ. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux hommes, mais Dieu l'a révélé maintenant par son Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à avoir part avec les juifs à l'héritage que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et participent eux aussi à la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé par l'action de sa puissance. Je suis moins que le moindre de tous les membres du peuple de Dieu. Pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la bonne nouvelle de la richesse infinie du Christ et d'amener tous les hommes à distinguer comment le plan secret de Dieu doit se réaliser. Dieu, qui est le Créateur de toutes choses, a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, par le moyen de l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse de Dieu sous tous ses aspects. Dieu a agi ainsi, conformément à son intention éternelle qu'il a réalisée par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'union avec lui, et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Par conséquent, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'éprouve pour vous. Elles vous procurent un avantage glorieux. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre reçoit son véritable sens. Je demande à Dieu que, selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés avec puissance par son Esprit dans votre être intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, et que, avec tous les membres du peuple de Dieu, vous soyez capables de comprendre combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien que personne ne parvienne jamais à le connaître complètement, et être ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, au moyen de la puissance qui agit en nous, à Dieu soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen.